بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 98. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قول أحد الخطباء في كلامه حول غزوة بدر: التقى إله وشيطان. فقد قال بعض العلماء إن هذه العبارة كفر صريح، لأن ظاهر العبارة إثبات الحركات لله عز وجل. نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. ممكن أن تأتي الشيخ رحمة الله عليه par rapport à l'un des sermonneurs, les gens qui font les khutbas, qui a dit à propos de la bataille de Badr, il a dit, se sont rencontrés une divinité et un shaitan. Ils se sont rencontrés, et il y a une rencontre, à dire pour un conflit, entre une divinité et shaitan. Et le questionneur dit que certains ulama ont dit que cette expression est du kufr, de la mécréance claire, limpide. Car cette expression affirme à Allah le mouvement, l'attribut du mouvement. Donc nous espérons de vous un éclaircissement par rapport à cette question et ce jugement. فَأَجَابَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تَنْبَغِي فَإِنْ كَانَ قَائِلُهَا قَدْ أَرَادَ الْتَجَوُّزَ فَإِنَّ الْتَجَوُّزَ إِنَّمَا يَسُوغُ إذا لم يوهم معنى فاسدا لا يليق به، والمعنى الذي لا يليق هنا أن يجعل الشيطان قبيلا لله تعالى وندا له وقرنا يواجهه كما يواجه المرء قرنه، وهذا حرام ولا يجوز. Donc il a dit, il ne fait aucun doute que ce genre d'expression sont incorrectes. Et si jamais celui qui a dit cela, il a voulu le tajawuz, c'est le fait d'être large dans les expressions en fait. D'accord, le fait de dire des choses en employant des termes larges pour un but qui est réel, mais en employant des termes incorrects. Donc, il a dit, cela n'est pas concevable, n'est pas permis, si jamais cela amène à penser à un sens qui est lui-même faux. D'accord, élargir les expressions, les assouplir, si cela amène à un sens qui est faux, laisse entendre un sens qui est faux, alors il ne faut pas le faire. Et également, le sens qui ne convient pas, c'est que là, ça amène à égaliser entre Allah, Azza wa Jal, et Shaitan. Comme si Shaitan était l'égal d'Allah. Et qu'il lui faisait face. Comme un homme ferait face à son ennemi, à son égal. Et cela est haram, il n'est pas permis. Et cela fait penser à la parole des mécréants, c'est une parenthèse, qui, lorsqu'ils parlent de Dieu dans leur livre, ils parlent de Satan, comme si Satan était une personne ou une créature qui pouvait contredire ce que Allah aurait voulu. Dans le sens où Allah veut le bien et Satan lui veut le mal, et que ce mal, si Satan le veut, se déroule. Même si Allah ne veut pas. C'est-à-dire que, en fait, ils amènent ici à deux créateurs. Celui qui veut le bien, c'est Dieu comme il l'appelle. Celui qui veut le mal, c'est Satan. Et comme si, en fait, le Dieu comme il le nomme, n'a pas de pouvoir sur Satan. Que Satan, il fait ce qu'il veut. Et cela est une chose qui est immonde. C'est une comparaison qui est immonde. Et en islam, il n'y a pas cela. Chez nous, Iblis, une créature d'Allah Azzawajal, sous contrôle. C'est juste que Allah le laisse faire pour une sagesse. Et en réalité, Iblis même dit qu'il a peur d'Allah. Il n'a aucun pouvoir, ce n'est ce que Allah Azzawajal l'a laissé faire. Non. ثم نعيد إلى كلام المؤلف. ولو أراد أن ناطق به تنقص الله تعالى وتنزيله إلى هذا الحد لكان كافرا ولكنه حيث لم يريد ذلك نقول هذا التعبير حرام. Donc il a dit, si jamais celui qui parle avait voulu justement réduire du rang d'Allah Azza wa Jal et le mettre au même niveau que Shaitan, alors oui, il aurait été un mécréant. Cependant, lui, ce n'est pas ça qu'il a voulu. Mais toujours est-il que cette expression, elle est illicite, elle est haram. ثم إن تعبيره به ظنا أنه جائز بتأويل الذي قصده فإنه لا يأثم بذلك لجهله ولكن عليه ألا يعود لمثل ذلك. Il a dit, le fait qu'il ait pensé que ce genre d'expression était permise pour le sens que correct que lui a voulu, d'accord, alors il dit qu'il est excusé par son ignorance. Cependant, il ne doit pas recommencer cela. C'est-à-dire que le sermonneur a voulu dire en fait que ce jour-là, d'accord, Allah Azza wa Jal a fait combattre ses croyants face à ses ennemis, et ses ennemis avaient eux à leur tête Iblis. C'est ça qu'il a voulu dire par là. Mais est-ce que cela veut dire que Iblis est l'égal d'Allah? Non, sûrement pas. D'accord? Sûrement pas. Et l'auteur, lui, n'a pas voulu dire cela. Mais cependant, il a voulu dire que les troupes du bien ont fait face aux troupes du mal. أما قول بعض العلماء الذين قلت إن هذه العبارة كفر صريح فليس بجيد على إطلاقه وقد علمت التفصيل فيه. Il a dit, quant à cette parole de certains ulama qui prétendent que cette expression est du kufr clair, alors cela n'est pas correct également dans l'absolu. Et tu as déjà connu le détail sur la question. أما تعليل قائل لحكمة أو لحكم بكفر هذا الخطيب بين ظاهر عبارته إثبات الحركات لله عز وجل فهذا التعليل يقتضي امتناع الحركات لله. Donc il a dit maintenant le fait de juger de mécréance cette expression, car cela amène à dire que Allah il bouge, qu'il a un mouvement, alors cette cause, le fait de dire que cela est du kufr, cela veut dire qu'il faut interdire et ne pas affirmer l'attribut du mouvement pour Allah Azzawajal. Inna isbataha kufrun. Fihi nazar, zahir. Kad asbat Allah ta'ala li nafsihi bi fi kitabi anu yaf'alu. Wa anu yaji yawm al-qiyama. Wa anu yastawa ala al-arsh. Ay ala alayhi uluwan yaliku bi jalalihi. Donc cela, cette façon de penser est incorrecte. Pourquoi? Car Allah Azzawajal a déjà affirmé à lui-même qu'il a des actes dans son livre. Par exemple, que yawm al-qiyama, il va venir. Ou alors, de dire que Allah, d'accord, est au-dessus du trône, d'une élévation qui lui convient. Et que son prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé que Allah descend au ciel de la dunya chaque nuit, dans le dernier tiers. Et qu'il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'invoquer afin que je lui réponde? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour demander pardon afin que je lui pardonne? Donc de là, l'auteur dit que Allah azza wa jal a des actes. D'accord? Et des actes qui indiquent qu'il y a un mouvement. Cependant, ce mouvement, comment est-ce qu'il est? On ne le connaît pas. Maintenant, al-harakat bi-dhatiha, le mot harakat mouvement, Allah Azza wa Jal ne l'a pas nommé pour lui-même. D'accord? Il ne l'a pas nommé pour lui-même. Mais dire que Allah n'a pas l'activité, que Allah n'a pas d'acte, que Allah n'a pas ce genre de choses, cela est contraire au adillah. Donc dire que, affirmer cela pour Allah du kufr, on dit là. On dit là. Allah n'a ni affirmé ni renié l'attribut de la halakat pour lui. Mais on a d'autres adillah qui indiquent ce sens. Qui indiquent ce sens. Donc on ne peut dire que dire cela est du kufr. Ce n'est pas possible. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السؤال فبيدركنا نكتفي والحمد لله رب العالمين.